Alors, non, non. Non, c'est vrai, j'avais vu la revue passer comme ça sur le net et je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce qu'il raconte, ça? Ça m'avait intrigué parce que, donc, comme tu l'as bien, Natacha a bien expliqué, il y a une pièce, enfin, il y a un livre, puis après une pièce qui a été adaptée, c'est déjà assez compliqué. Après, on vous en parlera avec un dispositif sonore effectivement assez particulier. Bon, c'est aussi la suite d'un long projet que je fais avec le théâtre et avec le son. D'ailleurs, c'est. Cette pièce et les deux précédentes, les deux monologues, c'est-à-dire Le colonel des Zouaves et La mage en été, ces trois livres ont été adaptés pour le même acteur, Laurent Poitrenaud. Et depuis 93, ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. Les trois pièces vont être rejouées à la MC 93, je fais une pub à Bobigny, dans un an exactement. Et il est fou, l'acteur, il veut faire les trois pièces d'un coup, quoi. Alors il fait certains soirs Le colonel des Zouaves, d'autres soirs Le mage en été, puis après il va faire des journées où il fait les trois. Mais c'est un. Et après, on arrête, quoi. C'est comme une secte, on est obligé de s'arroser des cendres. Enfin, il faut trouver un truc. Il faut arrêter, quoi. Bon. J'ai pensé faire une pièce où j'avais vraiment 80 ans, mais un dernier monologue. Voilà. Donc, ce qu'on s'était dit, comme ça, on ne sait pas du tout ce qu'on va se raconter, parce que l'avantage, c'est qu'on ne se connaît pas, donc ce qu'on va vous dire n'est pas préparé. Je ne suis pas sûr que je vais parler. Je vais te laisser parler, ce sera très bien. Et non, non. Et alors, donc, on s'est dit, bah, je vais lire un tout petit bout de ça, juste comme ça, un extrait où il y a un peu justement du son dans le texte. C'est un extrait choisi. Non, non, mais celui-là, oui, mais ça, il y a un peu de son dans le texte, quoi, pour qu'après, je te passe la parole, quoi, pour voir après ce que ça devient dans différents espaces. Alors, j'ai juste pris ça, et j'essaie d'accélérer l'accès au vin blanc. C'est là où il me manque un micro, vous voyez, alors c'est, enfin, je veux dire, c'est important déjà, c'est une remarque. Moi, je lis la lecture publique, j'ai beaucoup pratiqué ça, j'ai besoin d'un micro. Si j'ai pas de micro, non mais je vais le faire, hein, t'inquiète pas. Mais je veux dire, si j'ai pas de micro, alors c'est tout à fait différent. C'est comme si je disais à un ami. Ce qui est Et le pompon, ça vaut pas non, le pompon, il me prend là, ma voix. Mais il m'aide pas du tout, ce petit pompon. Et si tu te lèves, ça t'office du Ah non, parce micro? que si je me lève, c'est une performance. C'est pas mon corps qu'on doit voir, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, mon corps n'a aucun. Même s'il est. Bon, ça fait partie de nos discussions. Comment faire? Parce que si, en plus, maintenant, quand on a fait un peu de musique comme moi, enfin, participer à des concerts, l'avantage, on apprend qu'il faut des retours sur scène. Si on a des retours, alors là, on a des retours, donc vous pouvez vous poser sur votre voix, exactement comme à la radio. Ça peut faire office de micro, bien sûr. Mais c'est une autre version, bien sûr, de notre projet. La version 25 ans d'amour libre avec la librairie. Et donc, voilà. Donc simplement, c'est intéressant puisqu'on est. C'est assez bizarre de faire. C'est la première fois de ma vie que je fais finalement une rencontre autour de la question sonore. Et vous êtes gentil d'accepter d'entendre tout ça. Parce que c'est particulier. Et c'est vrai que j'aurais tout de suite envie de vous dire qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui lit comme ça, c'est pas du tout pareil que de lire en public, pour le coup, où le son me revient. Le son me revient et je suis dans mon son. Je suis pas. Là, je vais être obligé de vous lire quelque chose. Mais quand on. Et dans l'espace sonore ou dans l'espace de la radio, par exemple. Et c'est ce dont tu vas nous parler, c'est d'une expérience donc de France Culture, où d'ailleurs on ne peut pas écouter, si on veut bien écouter le truc en podcast, il faut mettre des casques. Donc vous voyez déjà, il y a un truc bizarre, c'est qu'on ne peut pas l'écouter dans la cuisine, enfin, sauf si on a un casque sans fil. Donc, parce que ça fait une sphère. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire du son qui est fermé? Le son, a priori, banalement, on aurait tendance à dire, bah, c'est ouvert, le son, ça fait du bruit par rapport à un livre qui serait soi-disant fermé. Le son, bah, Mais là, regarde, tu as une sphère, ce que Ah, tu dis. oui, mais parce que Oui, là, on a de la chance, parce qu'on c'est est, ce que on j'allais n'est pas dire. beaucoup, c'est ce que j'avais souhaité d'ailleurs, enfin j'avais programmé la Coupe du Monde, enfin c'est toute une stratégie compliquée hein, pour obtenir cette famille. Tu vois, là, on est dans un cercle. Voilà. Donc bon, donc c'est pas pareil. Là, je vais vous le lire, je ne sais pas comment, parce que je vous le lis comme si, comme si je disais, au fond, qu'un enfant pourra raconter une histoire pour se coucher, quoi. Il parle à voix basse. Il s'avance dans un angle de la pièce. Un type, à la voix sombre, dit quelque chose comme, que j'entends pas bien, comme ça sent la chair fraîche ici. Il cherche, froid, chaud, froid, froid. Il continue à chercher, chaud. Il y a quelque chose, il y a une forme recroquevillée dans un coin noir. C'est moi. Mais qui êtes-vous? Des cris. Mais qu'est-ce que vous faites là? Il m'avait trouvé. Un cercle de têtes menaçantes en contre-plongée comme celle de pirates découvrant un enfant au fond d'une caverne où ils avaient entreposé un trésor de guerre. Je leur explique, en substance, que je n'avais aucune intention de les espionner, que j'étais là par hasard, que, etc. Bon, voilà. Une assez grosse femme, au chignon vertical, se présentant comme une cousine, recouverte d'une série de couches de dentelle à la manière de certaines momies que l'on peut voir dans des églises de la région de Naples, se pencha vers moi, m'avouant qu'elle avait essayé de lire une de mes rédactions sur les insectes, qui avait fait l'admiration de tous. « Essayez seulement, puisque je ne suis pas une intellectuelle. » Riant un peu, comme si c'était un exploit. « C'est pas mon rayon. Mais ça doit plaire. » Pour essayer d'en sortir, je rétorque en exagérant aussi d'un rire que les gens qui comprennent doivent faire semblant. Mais c'est ça, me regardant brusquement. Ils font semblant, soulagés. Mais oui. Et la conversation replongea dans une mare où l'on n'entendait plus que des petits bruits, les petits cris des êtres perdus dans leurs paroles. Chacun entonne tour à tour la litanie des louanges à soi, récompense de l'année, considération politique, bilan médical avec description détaillée. Chacun se place sur le grand tableau des rivalités familiales qui fait penser à celui des coupoles des bourses et ses parties, courbe des vies sociales des différentes branches, crash des êtres, mon fils est un génie comme son père, descente aux enfers du cadet sous médicaments, honneur perdu de X, c'est tout le portrait de sa mère, et en finale, le récit de la brusque accélération de la notoriété d'Y. Avec des cris pour embrayer sa phrase et des coups de force minuscules pour garder la parole. Dès que quelqu'un essaie de passer un mot, le couper au plus vite par une série de « ça m'est arrivé à moi aussi, ça m'est arrivé à moi aussi ». Une autre technique consiste à produire un son ininterrompu, un gémissement approbateur par à-coups rapides, un signal panique de machine pour déstabiliser l'autre. Celui qui se risque à parler comprend vite qu'il a le droit qu'à une intervention très brève et on dirait des grognements d'ours ou les jappements d'un chien en manque selon les tessitures, enfin hurlement de l'un, barrissement de l'autre, un opéra avec des animaux, des joues déformées, des teints blafards, des yeux chassieux, drôle de mammifères. Enfin, si on augmentait le son de tout ça, on obtiendrait un fracas immense. On peut matelasser les problèmes, enfin c'est certain. En voilà une activité heureuse et utile. Rien que de penser à ça, enfin à la fabrication de tout ça, enfin quel matériau choisir pour construire un coffrage sur mesure, comme on le faisait pour ranger l'argenterie ou les pièces détachées dans la mousse. Une carabine pour attentat, bien encastrée, j'y vais quand je veux, personne ne m'empêche d'entrer. Voilà. Une autre méthode assez efficace consiste à recouvrir l'intégralité de ce que disent les autres d'un flot équivalent de phrases intérieures, enfin, aussi hermétiquement que les plastiques très fins capables d'envelopper n'importe quelle surface, enfin, comme le ferait une nouvelle peau sur un tissu endommagé. Enfin, il paraît que quand on raconte n'importe quoi pour noyer le poisson, enfin, ça s'appelle roman familial. Enfin, bon. Je n'entends plus rien, je suis à l'équilibre, deux machines adverses ronronnent. Il suffit de penser aussi fort que les voix intrusives qui vous assaillent. Équilibre de la terreur, c'est la paix. On s'enfonce dans le réceptacle élastique, enfin je n'entends plus rien, je suis intouchable. Une caste inaccessible, accrochée dans les arbres pour l'éternité. Ça s'éternise raisonnablement, on en voit la fin. La famille semi-proche invitée fait des petits sauts de carpe pour signaler le départ. La lumière descend discrètement, mais sûrement, fondue au noir. Perron, présentation, armes, adieu, calèche, cochon, couvé, porte close, bougie, fermeture volée. Voilà. Tout le monde sort hyper déçu, tout le monde s'en va dans un fracas. Alors moi, je vais commencer en vous montrant mon exemplaire personnel du dernier livre d'Olivier Cadio, donc qui s'appelle « Histoire de la littérature récente, tome 2 ». Pourquoi je vous le montre? Parce que, alors déjà, je voudrais vous signaler que j'ai perdu le bandeau, où était marqué Cadio, en gros. Voilà, ces bandeaux, qui en plus d'être des néons qui brillent dans le jour des librairies, sont quand même d'une valeur informative contestable. Mais en tout cas, ce sont des protections contre les agressions du monde extérieur, un peu comme un tablier de cuisine ou un scaphandrier. Voilà. Donc ici, là, vous pouvez voir qu'il y a des traces de résine dues à une balade dans la forêt où j'ai ramassé une pigne de pin. Il y en a là aussi. Là, on peut voir que c'est un petit peu gondolé. C'est parce que j'ai fait un peu de lecture dans ma baignoire. Donc, il y a de l'eau qui a giclé. Donc, voilà, c'est pour ça. Ici, là, vous pouvez voir des traces de doigts. Voilà. Tout ça pour vous dire que la littérature d'Olivier Cadiot, c'est une littérature sensible, poreuse, qui se nourrit du monde extérieur et d'une infinité de sources, comme la littérature elle-même, l'art contemporain, les danseuses, les mages, les cocktails mondains, les zouaves, les lapins aux yeux rouges, et aussi le son. C'est donc ce que nous avons remarqué avec la revue de l'écoute, donc je ne vais pas vous en reparler, parce que Tiane l'a très bien fait. Dans notre dernier numéro de printemps de 2018, nous avons donc consacré un article à la diffusion sur France Culture en novembre dernier d'un atelier fiction, qui était donc tiré de Providence le livre, paru chez POL en 2015. Et plus exactement, donc France Culture a enregistré et mixé l'adaptation au théâtre qu'en avait fait Ludovic Lagarde quelques mois plus tard. Cette diffusion nous a intéressés parce que le son y joue un rôle central, plutôt central. Il fait vraiment partie de la dramaturgie, de la mise en scène, et c'est une des préoccupations, voire une obsession pour le personnage central. Donc le son est mis sur scène, littéralement. L'article s'appelle donc Olivier Cadiot, l'écrivain audiosensible. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de la sensibilité de la littérature d'Olivier. Et je vais vous prouver qu'Olivier Cadiot est un écrivain audiosensible. Maintenant, Olivier, est-ce que tu m'entends ? Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous parler donc de la configuration de la pièce qui voit donc par exemple ton personnage central vivre à l'intérieur du son et de la musique ? Alors oui, donc Providence, enfin, c'est un livre assez difficile à adapter parce que Ludovic Lagarde, le metteur en scène, ça fait donc, on a fait au moins 8 pièces, 8 projets ensemble, donc surtout des 3 monologues, particulièrement avec Poitronneau, qui est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un acteur absolument prodigieux. J'allais dire qu'on s'est formés ensemble, donc on a la chance de travailler très longtemps avec des gens comme ça. Et donc là, ce livre-là leur a posé plus de problèmes parce que c'est un livre, bon, je ne vais pas vous parler du livre parce que c'est trop long, mais c'est un livre en 4 parties, avec 4, disons qu'il y a 4 personnages, si vous voulez, 4 avatars du même personnage, on va dire. Donc c'est 4 explosions du... C'est comme s'il y avait un personnage qui n'existait pas au centre, un narrateur perdu, je ne sais pas comment dire, et puis qui se vise, dans les transformations, il y a par exemple un jeune homme qui devient une vieille dame en accéléré, c'est par exemple. Donc chacune des parties est consacrée à une métamorphose, au fond. Voilà. Et donc, ils ont été obligés, la garde a été obligée de prendre une situation quand même pour le théâtre central. Et il a pris la dernière partie où il y a un homme seul qui fait au fond une sorte de conférence en solo. Ça vient d'une idée de, ça vient du, vous savez, Abby Warburg, le grand intellectuel allemand comme ça, qui était psychotique, qui à la fin de sa vie, qui était en hôpital psychiatrique, il a voulu faire une conférence pour prouver qu'il n'était pas fou. Ce que je trouve une idée. Et il a fait une conférence devant. Enfin, c'est très beau. Quoi. C'est un peu ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs. Et donc, et finalement, si vous voulez, le personnage, dans le livre, tout au moins, alors c'est là où tu as raison, met en scène le son et va chercher des. Comme s'il était au fond dans un laboratoire. Au fond, c'est comme si Proust avait eu du matériel, quoi. Mais d'ailleurs, j'y ai pensé en venant ici. Vous m'arrêtez hein, si je fais une digression trop longue, c'est qu'en fait, je me suis rappelé d'un coup qu'il y a très très longtemps, j'ai fait ma maîtrise quand j'étais petit sur 3 pages de Guermantes, du côté de Guermantes 2, où le héros, la grand-mère meurt, il est tout seul à la maison. Et là, ça commence avec un bruit de chauffage. Et il dit le bruit du chauffage, le calorifère, comme il dit. Fait des coups de bélier. Vous savez, il y avait ça dans les appartes avant. Et il dit, c'est la 5e de Beethoven. Le gars est au lit, donc il entend la 5e de Beethoven avec le chauffage. Déjà, le type est fort. Et il attend Albertine, bien sûr. Et pour savoir si Albertine arrive, il entend le son de l'ascenseur. Et il déchiffre. Il est très fort parce qu'il est très dans l'attente amoureuse. Il sait que l'ascenseur s'arrête au 3e. Ou alors monte au 5e, mais pas chez lui. Donc le bruit même de l'ascenseur le renseigne sur l'arrivée de son désir. Quoi. Il s'embête, de plus en plus. Et là, il est sur son lit et décide de faire passer sur les vitres de la chambre. Il dit, c'est comme un passe-vue, comme au fond, moi, je connais bien ça, ça m'intéressait vraiment, les photos en verre, vous savez, stéréoscopiques. Je ne sais pas si vous avez l'expérience de ça. Bon, ça, c'est le truc dans la vie. Je ne sais pas si le son, c'est bien, mais... l'image. C'est l'équivalent du binaural dont on va parler en image. C'est une expérience les plus fantastiques. Pourquoi ? Parce qu'on peut. C'est, je pense, la plus grande. C'est pas du tout le truc en relief avec un Coppola, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est vous êtes collé à l'image, mais vous pouvez vous déplacer et regarder le. Dans le, et pouvez oublier même l'image, qu'on ne peut jamais faire avec une image. On ne peut jamais oublier une image, c'est ça qui est terrifiant. C'est l'intérêt de la littérature. La littérature, c'est quelque chose où on peut oublier une image. Parce que dans un livre, vous pouvez voir juste un cendrier sur un truc et rien voir. Dans un cinéma, on voit presque tout, c'est effrayant. Enfin, j'aime bien aussi, hein. Le foot aussi. Et donc si vous voulez, la cap, et vous voyez très peu, j'ai oublié ce que je voulais dire. À cause du foot, c'est ça. Il s'ennuie, voilà. Et donc, du coup, il décide de il dit, et si mes fenêtres ressemblaient à un passe-vue, il a ça. Et donc, il passe des vues d'Albertine sur la plage. Parce qu'il ne l'a pas, il entend l'ascenseur. Et du coup, il fait vraiment, mais on voit vraiment. Alors, ce qui est fort, c'est qu'il décrit vraiment l'apparition de l'image d'Albertine. Il dit Albertine à la plage, Martine, quoi. Albertine perchée sur l'arbre, etc. Donc, on voit défiler des photos de famille ou des photos d'amour, comme ça. Et. Ce qui est très beau, c'est qu'il décrit ça, puis après il fait, et c'est là où Proust évidemment est un bon écrivain, c'est-à-dire qu'il vous décrit un truc, puis après il le fait. Il fait chkloum, moteur, et la machine marche. C'est-à-dire, c'est comme si c'était le cinéma. Chkloum, clin, clin, puis pendant ce temps, chkloum, chkloum. Et il est là, tout seul, une machine célibataire au fond. Donc au fond, je pense qu'inconsciemment, je n'y avais pas pensé, c'est en lisant ton article tout à l'heure, que j'ai pensé à ça, je me suis dit, au fond, je n'ai qu'une idée, le pauvre type fait une maîtrise sur Proust à 22 ans, toute sa vie, et il essaie de dire, je veux faire ma maîtrise sur Proust, vous voyez, et donc, au fond, je suis en retard, longtemps, je me suis couché très tard, et donc voilà, et donc, ce qui est très émouvant, c'est qu'au fond, ce qui j'ai essayé dans cette partie du livre, qui va devenir l'ensemble de la pièce, réaliser, mettre le son, parce que finalement, comme on travaille, alors, je vais aller vite, comme on travaille avec le son, depuis très longtemps, et qu'on a inventé, ils ont inventé dans les années 80-90, très en avance, un rapport à la prise de son avec un micro caché. L'acteur avait un micro. Maintenant, c'est tout à fait courant dans le théâtre, mais à l'époque, c'était même. On sait pas, les gens disaient, oui, bah, c'est pas naturel, comme tu sais, quand tu es à l'opéra, mais chante pas. Tu vois, quand même. C'est-à-dire qu'il y avait un soupçon que c'était de l'artificiel. Et à un moment, on s'est fait critiquer pas mal. Et donc, il y avait un électroacousticien en face, et on a produit des espaces sonores. Avec l'IRCAM, comme tu disais, à chaque fois ou pas. Donc, on a évolué. Et à chaque fois, effectivement, comme moi, j'essaye de les emmerder, au fond, si vous voulez, de leur produire des trucs pour les freiner. À chaque fois, j'intègre tout ce qu'ils ont fait dans le livre d'après. Si vous voulez, je remets des trucs. Donc, je raconte ce qu'ils font. Là, je dis, il y a les magnétophones sur scène, etc. Donc, après, ils sont obligés de le faire. On pousse, vous voyez, c'est très rigolo comme histoire. Donc, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve sur scène avec un acteur seul, qui fait un monologue, avec très peu de moyens, sauf que, comme tu les appareils sont extérieurs, sont visibles, c'est une référence aussi à la poésie sonore, on en parlera après. Et du coup, ce qui se passe, c'est que France Culture arrive et dit, ça nous intéresse, et maintenant on va faire, deux secondes là-dessus, une prise de son binaurale. Elle le sait, le son binaural, qui est un mot un peu inquiétant, on peut en dire un truc, une maladie, j'ai une maladie binaurale, par exemple. C'est, le binaural, c'est utilisé de plus en plus, maintenant à la radio et aussi dans les pièces de théâtre, c'est un studio avec un micro central qui est une tête artificielle. Une tête. Ce qui est assez beau, c'est qu'il y a une petite tête, un peu comme ça. C'est assez sympa, mais un peu froide, si vous voulez, quand même. Et l'acteur tourne autour, évidemment, tourne, s'avance. Alors, on peut avoir 15 acteurs. Et ça produit ce qu'on appelle une spatialisation sonore. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas l'écouter comme ça à la radio, mais on est obligé de mettre. Si on met un casque, vous avez l'acteur qui vous passe derrière le dos. Hein. C'est merveilleux. Hein. C'est... Ça ne marche pas si on l'écoute. Ça marche parce que ça, c'est du bon son, mais pour avoir cet effet de relief et de trucs, il faut avec le faire. Il faut écouter au casque. Et alors là, c'est prodigieux parce que vous êtes vraiment. Vous êtes vraiment bon. Alors ce qui est beau, c'est de le faire dans une économie totale de moyens, avec un seul acteur, aucun bruitage, comme si c'était la voix seule de l'acteur, finalement, ce qui est exactement ce que j'essaie de faire en écriture. C'est-à-dire, c'est exactement ce que vous, idéalement, lecteur, vous pourriez ressentir, ce que j'aimerais tant. D'un livre avec aucun moyen, que vous puissiez vous-même, comme on arrive avec les livres qu'on aime, avoir des sensations, quelquefois on se demande d'où la phrase, enfin c'est pas la phrase, mais tout d'un coup on se dit, ah tiens, il y a quelque chose qui nous arrive d'un autre champ, que ça produit des effets de relief. Vous savez, quand on aime vraiment un objet, alors ça peut devenir avec la poésie, mais aussi avec un roman, que c'est, il y a des effets de, bon ça vient aussi de la passion qu'on a comme lecteur, ou de l'ennui, ce qui fait qu'on se dégage plus ou moins du livre. Mais moi, j'essaie désespérément, au fond, de faire entrer le son dans les livres comme je peux. Voilà, bref, j'arrête. Parce, excuse-moi, c'est un peu long, mais je voulais juste pour que vous saisissiez toute l'histoire. Donc, eux arrivent et écoutent le truc France-Cul, qui était le bout d'un trajet. Voilà. Voilà, donc moi, je propose qu'on écoute un extrait, comme ça, ça parlera d'autant plus. Mais alors, sans casque, les gars. Enfin... Je possède un des seuls systèmes de quadriphonie existants. Une des nombreuses tentatives ratées de l'industrie de la hi-fi. Quadriphonie. Vous me direz, on n'a que deux oreilles. Mais à cette objection, je réponds que ce matériel est l'ancêtre du Dolby et du Surround et qu'il faut prendre en compte toutes les places que pourrait prendre une paire d'oreilles dans un espace X. Mais je n'ai que deux disques. Un de Bob Ashley. Assez répétitif. To all appearances, I'm complacent and indifferent. That is, I appear to be complacent and indifferent. And in fact, I am complacent that I am indifferent to appearances. Et une symphonie de Schubert, La Grande, dans un vieil enregistrement anglais. Angoisse garantie. Surtout le deuxième mouvement où un lutin oboïste vous emmène à la mort en dansotant. Malheureusement, aucune musique ne correspond vraiment au moment que je veux vivre. Ou célébrer. Si on pense que la vie ressemble à un film avec une symphonie dessous et qu'il s'agit de tout redoubler pour supporter mieux la douleur. Ou fêter une joie. On trouve facilement des extraits d'œuvres qui font souffrir les gens. En leur envoyant très fort dans une oreille du Donizetti. Et aussi fort dans l'autre oreille du heavy metal. Moderne. Je rêverais d'une musique qui contiendrait toutes les qualités des autres, qui correspondrait aux états confus dans lesquels nous vivons généralement tous. On devrait se la commander. Obtenir un album qui s'appellerait Problème populaire. Un cocktail d'austérité et de joie dédié à chaque personne. C'est délicat. La musique savante manque à notre désir. Curieuse phrase. Qui disait ça? Est-ce que ça signifie qu'on ne trouve pas facilement de musique capable de refléter nos passions? Quelque chose qui s'occuperait de nous? Une vraie composition savante qui en saurait long sur nos modes d'existence? Une grosse tête capable d'avaler plusieurs vies. Elle nous installerait un petit tremplin et hop, on ferait l'ange sur une poutre en dépliant nos sensations comblées successivement. On serait heureux par degrés. On s'arrêterait à chaque étage pour se féliciter. Alléluia ! Et on n'a pas cette musique. Elle nous manque. À certaines manque l'ironie, à d'autres le tragique. Chacune est incomplète. La voix d'Ashley est trop spéciale. Le hautbois de Schubert sonne comme un corps au fond des bois. Arizona ou Forêt Noire. Je veux pas choisir. Voilà, donc vous voyez un petit peu plus de quoi il s'agit. Moi, je précise que je suis fan absolu du bruit, du déclenchement des Dreadlocks. Je trouve qu'il est magnifique. Qui effectivement est une annonce du déclenchement de l'imaginaire et de beaucoup, l'imaginaire, c'est bien. Ouais, de beaucoup de choses qui vont suivre. J'aimerais aussi faire remarquer que c'est quand même des choix de musique assez antagonistes entre les hautbois, la voix de Robert Ashley qui est une très répétitive. Voilà, je remarque qu'on ne cite pas le nom du groupe de heavy metal. Alors que les autres, voilà, je ne sais pas pourquoi. Mépris, voilà, ça, je pense. C'est un vrai truc, hein, c'est Guantanamo, hein, vous savez ça. C'est un des supplices américains. Oui, c'est-à-dire que c'est un truc traditionnel. Il y a le waterboarding et puis il y a le truc de la musique. On te met deux trucs comme ça pendant 75 heures. Je ne sais pas si c'est Donizetti, c'est moi qui invente, mais opéra, ça peut être Mireille Mathieu. Et de l'autre côté, un discours de Poutine. Voilà. Non, mais ça, je pense que ça peut tuer les gens profondément. Pardon, je t'ai coupé. Non, non. Voilà, c'est un détail. Donc, torture moderne, c'est pour ça que j'ai... Ouais. D'accord. Et donc, on peut se demander pourquoi ce personnage qui est seul, qui est dépressif, a priori, enfin, qui se pose beaucoup de questions, qui semble pas aller très bien parce que sa carrière s'est arrêtée. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un. Et voilà. Et donc, pourquoi se met-il entre ces deux Revox ? Il va enclencher tout ça. Revox, c'est... Alors, Revox, c'est les gros magnétos. C'est les magnétos à bandes magnifiques. C'est aussi parce que ça, c'est un peu un hommage à... Alors, je fais une petite digression aussi sur Bernard Hetzig. Je ne sais pas si vous connaissez cet écrivain. C'est un très, très grand écrivain, enfin, poète, qui a lancé en France ce qu'on appelle la poésie sonore. Dans les années 50, et ça a une conséquence très importante parce que maintenant, on va dire que toute la jeune génération de poésie en France, finalement, passe du côté de la performance. Et vous voyez, je ne sais pas, vous allez à Beaubourg, à la Maison de la Poésie, où la plupart des gens travaillent avec le son et travaillent de plus en plus, quoi. Et ça vient au fond d'un courant qui a été extrêmement minoritaire et peu connu en France, qui a commencé dans les années 50. C'est des gens qui étaient, si vous voulez, qui écoutaient par exemple Stockhausen, quoi. Puis qui ont un coup, ils avaient des poètes français des années 50-60, je ne donne pas de nom, mais un peu, vous voyez, un peu lyrico-philosophiquant, un peu lourd, avec des, etc. Et ils se sont dit, mais c'est pas possible, quoi. Comment la littérature est en retard ? Ils ont fait une crise, quoi. Et ils se sont alliés beaucoup avec les Américains, les William Burroughs, un courant qui s'appelle Fluxus aussi, qui a eu une importance en art. Enfin bon. Et finalement, ils ont créé un Bernard Hetzig, c'est donc quelqu'un que j'ai découvert, moi qui étais plutôt poète... papier, quoi. Quand j'ai découvert ça pour la première fois, j'ai vu effectivement un homme qui était debout et qui avait un magnétophone où il dialoguait avec sa voix au magnétophone et avec des gros Revox. Et c'était un peu, tout ça était avec des bandes magnétiques, hein, c'était vraiment un travail de studio. Et il établissait il faisait des poèmes très étranges, enfin des poèmes, des espèces d'installations sonores, on va dire, en dialoguant avec la machine. Et c'était vraiment... Alors, c'était lié à Cage, c'était lié à toute l'histoire de la musique contemporaine américaine, tout ça, bien sûr. Hein. Mais ça a été une chose assez ignorée, un peu pas méprisée, mais les gens disaient en France, bon, c'est pas sérieux, c'est pas ça la poésie, quoi. Et finalement, ça s'est rejoint, et je pense aujourd'hui qu'on assiste, on voit aussi, beaucoup, encore une fois, des générations qui arrivent et qui ont été nourries par ça. Donc, les Revox, c'était aussi une manière de... Voilà. De rendre hommage. De rendre, ouais, enfin, même pas rendre hommage, ouais, servir de cette histoire de la diction. Parce que bon, avant ce qu'on avait fait beaucoup, c'est, vous voyez, on rentre dans une discussion sonore, mais on avait travaillé beaucoup avec des filtres. C'est-à-dire que ce qui était, encore une fois, on avait un acteur. La première pièce qu'on a créée, c'est Colonel des Oives. C'était un monologue, donc. C'était un type qui est sur scène, qui bouge pas, et qui bouge pas, enfin, il bouge pendant une heure et demie. Il bouge tellement qu'il sort de là en eau, complètement... exténué, donc il bouge sans bouger, il court sans courir, enfin bon, et simplement, c'est venu d'un problème, tout le son est venu d'un problème très simple, c'est que c'est un roman polyphonique. C'est l'histoire d'un, Colonel des Oives, c'est l'histoire d'un domestique dans un espèce de château imaginaire qui veut très bien faire son travail, qui est obsédé par le boulot, et qui pour ça finit par enregistrer ses patrons, pour savoir s'il préférait les carottes râpées, vous voyez, c'est comme si un... et qui décrypte, enfin comme dans Conversation secrète, au fond, le film de Coppola, hein, et qui, c'était une sorte de fable. Enfin, finalement, j'aurais dû le vendre comme ça. J'aurais vendu plus de livres si j'avais marqué à l'arrière fable sur le travail contemporain, mais j'ai pas eu l'idée. Et du coup, si vous voulez, il est évidemment un peu, il n'est pas fou parce que ça m'intéresse pas la folie. Ce qui m'intéresse, c'est justement de réhabiliter la bizarrerie de nous tous et de pas dépingler l'art. Pour moi, c'est pas de créer des modèles aberrants. C'est plutôt d'essayer de le rapprocher des choses étranges pour qu'on les trouve normales, plutôt dans le sens inverse. Et du coup, il a des voix, il entend des voix. Donc, ils se sont trouvés au théâtre avec ça, en disant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc, quoi. Du coup, ce qui est génial, si vous voulez, quand on n'est pas auteur de théâtre strictement et qu'on ne donne pas une pièce préparée, si vous voulez, dialoguer pour le théâtre, et qu'on donne un objet immontable, c'est que ça oblige les gars à inventer des systèmes barjots. Et la question sonore vient pour résoudre quelque chose que le théâtre ne peut pas faire. D'un coup, il se retrouve tout seul et il est obligé de faire une polyphonie. Et du coup, il y a un électroacousticien à l'époque, hein, qui s'appelle Gilles Grand, qui invente un truc tout bête. à l'époque, ça, maintenant ça existe, mais qui fait rentrer les effets. Par exemple, vous dites « Bonjour madame, comment allez-vous » d'avoir une phrase comme un psychotique à 15 voix, vous savez. Mais simplement, il fallait des effets. Il a mis une pédale de rock, pour une pédale d'effet, comme on dit en musique, pour pouvoir sortir et rentrer exact dans le... à la limite, plus vite qu'une manette, enfin, je ne sais pas comment dire. Du coup, on avait un dispositif de dialogue entre un acteur seul et finalement un compositeur qui l'aidait à trouver d'autres voix en lui, quoi. Comme un, voilà. Et après, cette chose qui a été vraiment formidable, on a changé de modèle et on est passé maintenant en extérieur. Et du coup, on a eu envie de montrer, au lieu de que ça soit caché, on a envie de montrer des magnétophones. Voilà, bref. Je pourrais vous parler pendant des heures. Tant qu'on y est, tu as travaillé pour l'adaptation au théâtre de Providence avec l'IRCAM. Est-ce que tu peux parler même si je crois savoir que, en fait, tu donnes ton texte à Ludovic Lagarde et lui, il fait ce qu'il veut après. Ils adaptent. Ils sont obligés parce que moi, je ne peux pas faire ce travail. Moi, je ne suis pas doué pour la scène. Ça ne m'intéresse pas. J'ai travaillé pour l'opéra. J'ai fait des trucs. À chaque fois, c'était pas... Quand j'ai fait un livret d'opéra pour Pascal Dussapin, ça n'a pas été une si grande réussite, enfin, à mon goût. J'ai fait une fois une vraie pièce de théâtre dialoguée, ça ne marche pas très bien pour moi. Enfin, je ne peux pas rêver la scène. Je peux rêver que l'espace romanesque, où il y a 1000 scènes, et après, s'ils veulent. Enfin, j'ai envie d'être de l'autre côté, si vous voulez. J'ai besoin de quelqu'un qui a cette espèce d'autorité, qui prend le livre et qui le tourne dans l'autre sens, et qui trouve effectivement des moyens prodigieux techniques pour pouvoir tourner le jeu. Donc, je ne peux pas assister à ça. En revanche, après, je travaille énormément avec eux, puis j'écoute ce qu'ils font, et puis je dis, bah oui, non. Enfin, voilà. Et l'IRCAM arrive, et l'IRCAM nous a toujours proposé Monts et Merveilles. Bonjour les amis, entrez dans la grande maison magique, venez l'IRCAM. Alors ils disent, voilà, aujourd'hui on peut travailler, bah, t'as une voix de femme, je te fais la voix d'homme. Aucun problème. Alors bonjour, quand tu vas, bonjour. Alors nous, le nouveau jouet. Et après ils nous promettaient toujours des trucs. C'est enregistré. Et ils promettaient toujours des trucs énormes, parce que c'est un énorme truc, quoi. Voilà. Et donc, et souvent, alors on disait, ouais, on va faire un prototype et tout ça, on doit travailler des mois, on se voyait, ça. Et à la fin, ils disaient, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, on ne fait pas. Finalement, on ne fait pas. Puis ils sont très, très tristes aussi là-bas. C'est vrai, je sais pas. On n'y est pas arrivé, je ne sais pas. Alors, on dit, là, mais c'est pas grave, t'inquiète. C'est une grosse machine à lire quand même. Ah ouais, c'est un truc ça. Mais du coup, le fait de travailler avec eux, avec des extraordinaires techniciens et programmeurs, fait qu'on gagne énormément. Du coup, on avance, et grâce à eux, grâce à leur impossibilité, quelquefois technique, nous, on est obligé de trouver des trucs bricolos. Ouais. Et c'est là où le travail du théâtre reste assez merveilleux, parce qu'il y a un côté un peu, voilà. Artisanal. Oui, oui, même si on est très très haut dans la technologie, on va à Avignon, Festival Avignon, tout est bon, on a l'impression de faire un truc vraiment, des grosses productions avec beaucoup d'enjeux. Tout le monde est un peu à la cuisine, rajoute du sel, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, ah, c'est trop salé, oui, c'est ça qui est bien. Et l'IRCAM, au fond, correspond déjà, mais ils étaient un très grand secours, en revanche, parce qu'ils nous envoyaient des équipes et du matériel, et puis... Une attention à notre travail extraordinaire, voilà. Mais, donc je ne peux pas dire que ça se résout aussi par des gestes d'ingénieurs du son vraiment dans le travail, quoi. Voilà. Et moi, ça m'intéresse d'assister à ça. Après, je me méfie parce que j'essaie d'être le moins impatient possible et de ne pas trop dire de choses, parce que voilà, je suis bavard. Un match d'en été, il y avait aussi un dispositif visuel de lumière qui était très particulier, un petit peu, qui était associé au son, ouais, une espèce un de peu. Visualisation du son. Oui, puis là, le son, ils avaient fait un, ça c'était l'IRCAP qui avait fait un son circulaire, qui était finalement la préparation de ce qu'on a eu, un peu dont tu parles, à la France Culture. C'est-à-dire qu'on avait dans la salle un système de son tournant, ça c'est beau, mais ça c'est assez classique, quand vous allez au théâtre, tout le monde fait ça maintenant. Alors après, quand on est snob, on a fait des trucs, après on ne veut plus faire ça. Vous voyez, ah bah non, ils l'ont fait aussi, bah nous on ne le fait pas. C'est ça le problème, après on reste à la maison, on ne fait rien. Non, c'est vrai, parce qu'au bout d'un moment, c'est la course, tout le temps. Tu fais un truc, tout le monde, après tu dis, j'aime pas. Pardon. Ouais, donc c'est plus simple de travailler avec un rocker comme Rodolphe Berger qu'avec l'IRCAM, alors, si je comprends. Alors ouais, alors, ça aussi, c'est, mais vous allez craquer, vous dites, hein. Donc c'est trop compliqué, non mais c'est aussi des trucs de musique. Alors, les trucs de musique, c'est un rapport au son assez intéressant, pour rester dans le thème. C'est qu'au fond, de la même manière que je ne travaille pas bien pour la scène, je ne suis pas non plus un bon parolier. Parce que parolier de chanson, c'est un métier génial, mais c'est un autre métier que le mien. Et il faut avoir un talent particulier, comme disait Bachou, pour raconter une histoire, quoi. Alors moi déjà, je ne peux pas raconter une histoire en 300 pages, mais alors en 10 lignes, vous voyez, il faut... Et du coup, j'ai dit, on a fait avec Rodolphe Burger, donc je ne sais pas si vous le connaissez, on a fait des chansons, il y en a deux ou trois qui sont vraiment bien, je trouve, sur les années. Et puis finalement, au bout d'un moment, ce qui nous a beaucoup amusé, c'est on a essayé de mettre ensemble texte et musique, quoi, sur scène. Et moi, je ne supporte pas les lectures avec de la musique. En revanche, vous voyez, le gars qui lit ou la fille avec un saxo à côté, moi, je ne peux pas. J'ai envie de. Je peux pas, ça m'angoisse terriblement parce que ça me met dans le jazz. J'aime bien le jazz. Mais l'idée que la littérature et la musique se répondraient, si vous voulez, dans une espèce de côté un peu charnel, vous voyez, ça me dégoûte aussi. Je suis protestant, bon voilà, j'ai un problème. Ça veut dire que je ne peux pas, je déteste quelqu'un fait. Puis l'autre fait. Et alors, dans la campagne noire, non, je peux pas. J'ai envie de sortir en courant parce que c'est interdit pour moi-même. Ça dit quelque chose. La littérature n'a rien à voir avec la musique. La littérature n'est pas sonore. Justement, la littérature prend le son et la met dans une boîte qui est spéciale. Sinon, ce qui est beau dans la littérature, c'est ce que je disais sur le visuel. On voit très peu de choses dans les livres. Enfin, un peu Tolstoï même, quelquefois, on ne voit pas tout dans la bataille, non ? Enfin, ce qui est ça qui est... On lit des livres pour ne rien voir. Sinon, on va au cinéma. C'est pas incompatible. C'est une autre opération. Et pareil avec le son. C'est-à-dire que, d'un coup, ce côté, le livre, la poésie, d'un coup, avec un son comme ça, ça ne marche pas. Du coup, on a eu des problèmes parce qu'on a été invités souvent à faire des choses, des espèces de performances, comme ça. Donc, la seule idée qu'on a eue à un moment, c'est de dire, il se trouve qu'on a fait un disque d'ethno-poésie, on peut dire ça, parce qu'on nous a envoyé dans un endroit bizarre, dans les Vosges, je vous garantis que c'est vrai, où les gens parlent une langue inconnue sur une petite vallée. Ça s'appelle le Welsh. Le Welsh, tu me dis, c'est trop loin, tu m'interromps. Hein. Welsh, c'est une langue romane bloquée dans les montagnes. Donc c'est une langue parlée qu'à très peu de gens. Donc il y a un festival à Strasbourg, ils m'ont dit, vous voulez pas aller enquêter là-dessus, on savait pas. Alors on a enregistré les gens, puis au moment, on savait pas quoi en faire. Pas au CNRS, tu vois, on savait pas quoi faire. Donc on s'est dit, on va prendre ces trucs, puis on va les mixer, on va faire finalement des morceaux de musique avec des vraies paroles des gens. On a fait un premier disque qui s'appelait On n'est pas indien, c'est dommage. Et puis après, on en a fait un autre qui s'appelle Hôtel. Après, on a commencé à dire, bon, alors on va aller dans les endroits, on va enregistrer les gens, puis on va faire danser les gens avec ça. Et après, je me suis dit, attends, j'écoute le cours de Deleuze sur Spinoza, par exemple, où il dit à un moment donné, pour parler du premier genre de connaissance, la maman, la vague m'a battu, maman. La vague m'a battu, mais je nage. Avec cette voix incomparable de Deleuze, il dit, vous sentez bien que c'est un étrange bonheur. Je lui dis, vous sentez bien que c'est un étrange bonheur. Je le veux. Je clouque. Et là, on dit, on va faire un morceau avec vous. Et donc, et à partir de là, on a commencé un dialogue entre la prise de son réel et la musique. Et on a construit des objets assez bizarres. On a fait un disque qui s'appelle Psychopharmaka. Qui veut dire en suisse allemand antidépresseur, Psychopharmaka, et qui est lié aussi à Christophe Martaler, le metteur en scène. On voulait faire un disque d'hommage à l'allemand, à la langue allemande, à la phrasée de l'allemand. Et on arrive à faire danser les gens avec ça, faire danser les gens sur Deleuze, aux vieilles charrues. C'est un de mes succès, vraiment. Enfin, c'est une des rares choses de gloire que j'ai eues dans ma vie. Et ça marche. Est-ce qu'on peut le voir sur YouTube, il y a un truc ? Ouais, je pense. Ouais. Voilà. Et le disque. Et donc, du coup, voyez que de la même manière, là, c'est la chance que j'ai, c'est que comme moi, je sais faire que des livres, je peux pas faire des chansons au sens formaté, parce que ça demande effectivement un talent extrêmement particulier, encore une fois. Et on a créé un espace malgré nous, quoi. Au fond, pour moi, le son, l'espace du malgré nous, malgré soi, et cette incursion dans le son, c'est pour ça que je dirais jamais que je suis musicien, compositeur sonore, enfin, je ne prendrais pas une autre identité, ou artiste sonore, quoi. Voilà. Parce que c'est ça aussi l'histoire, c'est comment aujourd'hui, c'est une question qu'on peut se poser tous, comment quand on est écrivain maintenant, pour survivre aussi, on est obligé de faire du pluridisciplinaire, ce qui est super, mais c'est aussi dangereux, parce qu'on peut aussi s'inventer des faux métiers, et commencer à devenir metteur en scène en 10 minutes, faire une expo, machin, et je trouve que c'est dangereux. Enfin, sauf qu'il y a des gens qui sont capables de tout faire. Mais moi, je fais... Alors après, comme je suis jaloux et méchant, évidemment, je ne suis pas un compositeur, hein, d'accord. Je ne suis pas un artiste, hein, très bien. Donc je rentre chez moi, je suis... très bien, bande de... Et je rentre à la maison, je dis, tiens, je vais faire l'artiste à la maison tout seul dans les livres. Et donc, je vais mettre les Revox dans les livres pour me venger de mes incapacités. C'est vrai ? D'accord. Voilà, alors, c'est trop long. Hein. Après, j'arrête de parler. On écoute un morceau, on fait quoi? On va bientôt le faire. On va bientôt le faire. Puisqu'on parle de plusieurs métiers potentiels, plusieurs talents potentiels, est-ce que tu pourrais écrire, est-ce que tu te vois écrire directement pour la radio, écrire genre une fiction, ben écrire quelque chose? Pareil. Là, ils m'ont dit, après le truc, ils étaient contents, France Culture, ils m'ont dit, on va faire une émission, on va faire une purée. Et moi, j'étais là, c'est super. Puis je suis parti en courant, parce que j'ai pas d'idée. Et j'étais, mais je ne les ai jamais rappelés, parce que je ne peux pas le faire, parce que ce serait... Je ne peux pas dire « je vais faire une dramatique radio ». Parce que là, je sais quoi, « bonjour, salut, tu vas bien ?» Comme j'étais petit, quand j'ai eu le premier mini-cassette Philips, j'ai fait un drame radiophonique avec ma sœur. C'est le seul. Bonsoir, ça va? Ouais. C'est tout. Enfin, Beckett, c'est plus chaleureux que ça. Hein. Et donc, si vous voulez, c'est faible, quoi. Non, mais sérieux. C'est-à-dire que j'aimerais beaucoup, si j'étais capable, mais j'ai besoin, effectivement, pour sortir de mon monde... Enfin, mon monde, je sais pas si c'est mon monde, j'espère que c'est le nôtre. J'ai besoin de collaborateurs. C'est là où le travail avec les gens commence. J'ai besoin de traducteurs, transmetteurs, de gens qui d'un coup, avec leur, prennent le truc et puis l'abîment, éventuellement le coupent en morceaux, le refont et après, voilà. C'est les limites. Mais c'est bien parce que du coup, ça, encore une fois, ça enrichit, si vous voulez. C'est pas la frustration, je rigole tout à l'heure, mais ça donne, si vous voulez, vous avez l'impression d'aller dans, d'aller dans un monde. Là, l'expérience que on entend là, je suis sûr que ça va m'interdire de faire des choses nouvelles. Ça, parce que c'est comme si ça poussait à l'extrême quelque chose que je sais faire, que ça me le remontre, et je me dis, bon, alors maintenant c'est fini, je ne peux plus faire ça, il faut que je passe ailleurs. D'accord. Voilà. D'accord. Ok, alors pour en revenir à Providence, ce qui est marrant, ce qui est notable dans le soliloque là, de ce personnage, c'est qu'au départ, il déclenche les Trevox pour écouter de la musique. Et petit à petit, il y a une sorte de glissement progressif et on rentre un peu dans sa psyché, dans sa mémoire, etc. Et on entend les bruits auxquels il pense, comme s'il s'écoutait lui-même. Voilà. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Est-ce que tu t'écoutes toi-même? Ah, moi, non. Non, moi, c'est à terre interdit. Je dis jamais à haute voix les textes. C'est aussi un tabou, ça. Parce que si on fait ça chez soi, alors là, c'est fini, quoi. Sauf le gueuloir, enfin, célèbre gueuloir de Flaubert. Mais c'était plutôt faites chier, je pense, le gueuloir de Flaubert. Parce que lire ses textes à haute voix, parce que j'ai fait beaucoup de lectures publiques, et mon idée, c'était jamais lire, même avant la première, le jour arrivé, pour pouvoir avoir la voix, non pas naturelle, parce que ça ne veut rien dire, mais une voix de découverte. Parce que écrire, c'est entendre une voix intérieure à l'infini, parce que ce qui est compliqué, ce n'est pas d'écrire, c'est de se relire pendant 4 ans le même objet. Il faut vraiment de petits déjeuners froids tous les jours, quoi. Le même. Les saucisses glacées, si vous voulez, dans les haricots. Rouge avec le bacon mou, si vous voulez, pendant... Il faut aimer ça, quoi. Hein. Moi, j'aime bien. Ça... Mais du coup, si je commence à dire, ouais, je mets au micro-ondes, je te le réchauffe, je te mets des tarzans, c'est fini. Je finis par m'arranger. Avec... Là, il faut vraiment avoir le truc froid. Ça veut dire que si on commence à travailler, on va commencer à travailler ses effets. Et d'ailleurs, j'ai arrêté de faire des lectures publiques. Enfin, j'ai fait mes adieux à la scène. J'ai fait une conférence de presse. Et Edith Piaf, quoi. J'ai dit, j'arrête. Pourquoi? Non, mais les derniers livres que je fais sont moins sonores, enfin moins... Elles ne sont pas écrites au présent, sont moins dynamiques, on va dire. Elles sont plus écrites de manière plus de ponctuation, plus du côté du livre. Et je veux moins faire des lectures parce que j'ai l'impression d'avoir obtenu une certaine maîtrise de ça. Et je commence à faire des petits chuchotis, je commence à me tortiller, je fais des petits machins. Parce que, en imaginant, que, pas nécessairement que c'est bien, mais je commence à être séductif, si vous voulez, avec ça. Et du coup, si on est chez soi et qu'on lit, alors, il n'y a plus qu'à s'enregistrer. Mais alors, c'est pas ça, c'est que c'est encore une fois, c'est un autre métier. Un électroacousticien, un poète sonore, c'est quelqu'un qui travaille en studio. Et, par exemple, quand je travaille avec Rodolphe Burger, ils sont capables d'écouter la même chanson 7500 fois pendant 15 jours. C'est extravagant. Comme moi, je suis capable de relire un texte 7000 fois et à chaque fois d'avoir un point de vue différent, à chaque fois de changer d'avis. Et lui, pareil, d'entendre une nuance. Voilà, et si on passe, on peut pas tout faire, non? C'est un peu banal, non? Mettez-moi dans une boîte et faites-moi entendre le bruit des martinets qui foncent sur un insecte à 1 millimètre des façades. Ça serait ça, le bonheur. La nuit tombait, Le petit espace prévu entre deux rails pour accueillir la dilatation du métal l'été faisait un comme un frisely de caisse claire. Alors voilà, on voit avec ces deux extraits que ce personnage est audiosensible, c'est-à-dire qu'il a un désir d'écoute. Il a envie d'entendre des choses que l'on n'entend pas. Il a une sensibilité exacerbée. Et voilà. Enfin, en quoi ça te correspond toi ? Est-ce qu'en quoi toi tu es comme ça aussi ou pas ? Non, je pense pas que je suis. Non, parce qu'audiosensible, ça fait un peu une maladie, un peu. J'aime bien. Mon fils est audiosensible. Vous savez, quand on dit hyperactif, non ? Mon fils est audiosensible. Ça existe vraiment ? C'est vrai ? Oui, les gens qui sont... Oui, qui finalement ont une écoute trop... Bien sûr. Hyperacousie, oui, comme des gens qui ont... Oui. Non, j'ai pas ça, simplement, j'aime les dispositifs. Par exemple, c'est vrai que les martinets, enfin, je sais pas si on peut... Par exemple, je suis quand même la chose la plus belle... Les oiseaux ? Les martinets. Ah, Ça, c'est autre chose. Ouais, mais... Enfin, ouais. Le mec, il s'effondre en larmes, c'est vrai. Oui. Le bruit du sifflement du truc, ouais. Non, mais... Ce que j'aime bien... Non, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois Proust, là, je pense que j'ai démarqué, ou peut-être que j'avais trouvé cette chose en Proust, c'est l'idée de la chambre d'écoute. Ce qui m'intéresse, c'est, je sais pas, c'est d'être dans un espace clos, sombre, et... Je sais pas, par exemple, je sais pas, j'ai des souvenirs d'enfance où vous êtes dans une vieille villa au bord de la mer et puis qu'il y a le club Mickey, quoi. Mais vous faites une sieste et il y a une raie de lumière qui passe et vous entendez... Vous voyez ça ? C'est une espèce de concert, là, pour moi, et où les martinets, en Italie particulièrement, où vous êtes dans une pièce fermée par hasard et puis d'un coup, vous entendez ça comme un... Voilà. Donc c'est vrai que oui, je m'intéresse à cette... Mais c'est plutôt dans une position de repli. Ce que j'aime, c'est pas être en face directe avec le son. C'est plutôt être caché. Voilà. Mais bon, je pense qu'on est tous un peu comme ça, non ? C'est pas un peu... Non ? Petit test ? Non ? Mais ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il appelle à une dimension sensorielle supérieure. Il faut entendre des choses qu'on ne peut pas entendre. Il faut remarquer, il faut être sensible à des choses auxquelles on ne prête pas forcément attention. Voilà. C'est vrai. Ouais. Et je pense que ton écriture, souvent, jette des focales sur des choses minimes, etc., qu'elles font surgir. Et ça, c'est vraiment souvent surprenant. C'est vrai que ce qui serait idéal dans un roman, enfin, j'ai beaucoup essayé ça de manière non théorique, enfin de manière même... Je ne pensais pas en le faisant, mais ce qui m'intéresse dans un livre, c'est à un moment donné, qu'il y ait un effet, encore une fois, de relief, et qu'on puisse, par exemple, entendre dans une scène, finalement, un son arriver, par exemple. C'est juste ça, ça m'excite énormément. Comme je l'ai lu, la petite truc que je vous ai lu au début, quoi. Bon, alors... ça, c'est aussi parce que, bon, j'aime pas le théâtre, tellement. Enfin, le théâtre m'angoisse beaucoup, beaucoup. Il y a des gens qui parlent de théâtre... C'est vrai, j'ai envie de leur dire non, criez pas comme ça. Enfin, souvent, on écrit trop fort au théâtre, enfin, sauf des très très grands acteurs, enfin, qui savent tout faire. Mais enfin, je dois faire une pièce à la Comédie Française. Enfin, là, il y a une traduction de Shakespeare qui va être jouée à la rentrée à la Comédie Française. Je balise tout le monde parce qu'il y a l'effet Richelieu. Vous savez, ils sont tous à Richelieu. Ils travaillent, on répète. Alors, c'est formidable. Mais c'est alors que le. D'un coup, vous dites, c'est vraiment un effet de boostage automatique de la salle. C'est intéressant. Donc, ça me fait peur parce que je trouve ça indécent. C'est un truc parce que je me dis, mais pourquoi il me parle comme ça à moi ? Je n'ai rien fait. En plus, c'est souvent des scènes de ménage, le théâtre, les gens s'engueulent, il y a des problèmes. Euripide, les gens, c'est pas marrant, quoi. Les gens se balancent des trucs, hein. Bon, t'es d'accord ? Bon, bah voilà. Et donc, au fond, mais du coup, je suis. Mais quelquefois, c'est merveilleux. Quelquefois, on dit, ah, c'est vrai, quelquefois, on dit, ah si c'est ça le théâtre, j'aime ça beaucoup. Et alors, on dit, c'est souvent quand il y a un dispositif sonore où tout d'un coup, il y a. Enfin, c'est très simple, hein, une perception. C'est peut-être aussi pareil pour nos propres vies, pour nos souvenirs. D'un coup, il y a un dispositif où il y a une qualité d'apparition d'un son anormalement, effectivement, pas prévu par le dialogue traditionnel. Et du coup, c'est vrai que cette impression-là, j'adore retrouver dans un livre parlant. Quoi. Je ne sais pas, Dickens, ça parle, par exemple, je ne sais pas, pour prendre Swift. Enfin, beaucoup, les Anglais sont très forts. La littérature anglaise, pour faire entendre... ça. Et c'est vrai que je ne m'intéresse pas tellement à des livres, à une littérature aussi... Bon, qui a tendance à faire une sorte de... ce qui peut être beau, un volume. J'aime bien qu'il y ait des écarts, voilà. Bon, mais les livres parlants, quoi. C'est-à-dire qu'on ouvre le livre et comme les livres d'enfants, ça vous choque. Mais il suffit qu'il y ait dans un livre 3-4 fois, ça. C'est pas nécessairement, il ne faut pas que ce soit tout le temps. Et puis le lecteur le fait à sa guise aussi. Si quelquefois quelqu'un me dit « Ah, j'ai bien aimé ça », ça m'a surgi, enfin, ça surgit. De toute façon, tu as une écriture qui multiplie les rythmes, les cadences, les focales, comme j'ai dit, les ruptures de ton, etc. Et là, tu crées une sorte de parcours sonore. Enfin, je ne sais pas comment tu te situes par rapport à ça. Avec une écriture qui vraiment vibre et chaote, et voilà, et donc ça crée une sorte, alors pas de musique, je sais que c'est non, pas de musique, mais ouais. Quand même, il y a quand même une sorte de rythme assez effréné. Ah, ça, c'est encore autre chose, oui. Ouais. C'est le rythme de la synthèse, alors, ça, c'est le rythme même du texte, alors, qui a rien à voir avec la question du son, finalement, c'est le. Et oui, ben ça je quand même, je crois. Enfin, si, alors. Quand on le lit vraiment, même à voix basse, il y a quand même une sorte de rythme qui, moi, pour moi, se rapproche de certains sons, de certains sons cadencés, etc. etc. Oui, mais explique-le, parce que moi, je ne peux pas te en dire plus. Non, mais est-ce que c'est quelque chose. C'est pas voulu, naturellement. Oui, non, c'est pas voulu. Bien sûr que non, parce que l'écrire, c'est pas du tout. On ne peut pas avoir un projet. Hmm. On est obligé de se débrouiller avec des choses qui sont incompatibles. C'est comme on a devant nous une machine à laver, on va la transformer en deux chevaux. On a des pièces détachées au fond et on essaie que ça fasse des mécanismes au fond. Mais le mécanisme ressemblera à ce qu'il voudra. Enfin, là c'est un peu rhétorique de dire ça, mais je crois vraiment ça. C'est-à-dire que vous voulez faire des bégonias, il sort un cactus. Quoi. Si vous êtes horticulteur, c'est un drôle de travail l'écriture, je crois. Enfin, on peut dire ça pour l'art en général, puis on peut dire ça pour nos activités. En général aussi, certainement, enfin, pour le jardinage. C'est-à-dire qu'on plante une glycine un jour, et puis on la palisse pendant 2-3 ans, elle est hyper fière, elle est toute douce, elle tourne, et puis après, 10 ans plus tard, il faut attaquer la tronçonneuse, parce qu'elle a ressemblé à ce qu'elle voulait, et je pense que la fabrication de l'écriture, c'est quelque chose dont on n'a pas de dehors, et c'est ça qui est très beau, comme c'est un travail très myope, travail de détail, d'agencement. Alors, ça n'empêche pas peut-être d'avoir un point de vue, bien sûr, mais global, sur quelquefois question de scénario ou de composition. Mais alors, bon, après moi, ce qui m'excite le plus, c'est quand un livre, pour moi, de mon point de vue, est réussi, c'est quand je découvre, au fond, après plusieurs années de travail, que les choses font écho malgré moi. Alors, ça, c'est un coup, il y a des motifs, pourquoi ça crée un sur-rythme. D'un coup, il y a. Vous dites, ah d'accord, ça, ah ok, d'accord, c'est ça. Mm. Et moi, finalement, ce qui m'intéresse, c'est. Alors, c'est là où je ne suis pas du tout. Je ne sais pas comment je vais continuer à écrire dans aujourd'hui, quoi, parce que ce n'est pas du tout ce que les gens, a priori, apprécient. Parce qu'on a envie, aujourd'hui, de textes plus plats. Mais pour des raisons que je comprends aussi, parce que, je sais pas, peut-être qu'un jeune écrivain, là, je vais aller à Paris 8, je vais faire pendant un an, je vais faire un cours je vais être un peu de référent, comme on dit, pour les écrivains en herbe, vous savez, à Paris 8, ils ont un cours de. Writing, là. Et je sais pas, ça va m'intéresser beaucoup de voir. Je pense qu'on va pas être d'accord. Parce que c'est compliqué, parce que moi, j'aurais tendance à revendiquer une sophistication du travail et ils vont me dire, ouais, bon, c'est chiant, quoi, vous êtes trop compliqué. Faites des choses lavées. Et moi, je viens plutôt de la poésie un peu expérimentale où je faisais des choses répétitives, simples. Mais maintenant, pour les mettre en marche, j'ai envie d'utiliser plein de moyens. Mais j'aimerais obtenir, bon, voyez, je voudrais le beurre, l'argent du beurre. C'est-à-dire, je voudrais obtenir une simplicité de choses complexes. Et pas, je voudrais pas simplifier, mais obtenir une lisibilité, au fond, partageable avec des lecteurs, de choses hyper bizarres. Mais que les gens trouvent ça tout à fait normal. Ils disent, ah, d'accord. Le coup des martinets enfermés dans le noir, mais bon, je connais, je pense. C'est-à-dire, au fond, j'ai pas envie, finalement, de fournir à des gens une surprise en disant, je vais vous montrer un truc que vous avez jamais vu, que moi seul, je peux voir. Mais plutôt qu'on soit d'accord. J'aime bien l'idée qu'on soit d'accord sur des objets impartageables. Enfin, oui, ou si, on l'a pensé, mais on n'a pas eu le temps de le formuler. Parce que tout simplement, le formuler, c'est un métier. Tout simplement, personne ne passe 9 heures par jour à décrire des martinets dans une boîte noire. Enfin, très peu. Et, ou la chance ou la malchance de faire ça, je ne sais pas. Bon, c'est plutôt une chance pour moi. Mais ce que tu dis, c'est-à-dire, tout d'un coup, ça, oui, ça formule. Ça formule, ça ne veut pas dire que ça explique tout. Mais ça met en, c'est même pas que ça met en mots, c'est que ça fait voir, à un moment on se dit, ah ok, d'accord. Et finalement, moi, j'ai envie de, avec les livres, j'ai envie de ça. J'ai pas envie tellement qu'on me raconte une histoire. Alors, ça, bon, je sais pas, parce que les histoires, on en a beaucoup déjà personnellement, non? Puis on peut regarder des séries, on est comblé d'histoires. Enfin, j'ai envie de voir un décortiquage simple de ce que je connais sans savoir. Ça, ça marche, ça? Voilà. Vin blanc? Non? Ok. Non. Allez-y, des questions. Je voulais savoir si le montage, c'était un moyen ou pas du tout. En fait. Le montage? Voilà, Ah ben moi, j'ai commencé comme ça. Voilà. Moi, j'ai mon premier livre, j'ai fait un livre qui s'appelle L'art poétique, qui est un petit biscuit. J'étais tellement dans une impasse dans la poésie, j'arrivais pas à, finalement, j'avais l'impression que j'étais au bout de moi-même, quoi. Je devais avoir, je sais pas, une trentaine d'années, j'ai l'impression que tout ce que je faisais, j'avais l'impression que j'écrivais peu et que c'était, voilà, puis j'étais dans la période où la poésie française était minimale, ce qui me convenait, hein. Mais j'étais dans une économie un peu, presque funèbre. Puis finalement, en France, aussi, on a Mallarmé derrière, ça rigole pas, hein. On n'est pas aux États-Unis avec Orléans, c'est pas Jack Spicer qui est roi, tout ça. C'est quand même, il y a quelque chose qui est terrible dans la littérature française. Il y a Apollinaire, il y a des choses fraîches, mais si vous voulez, bon, quand même, c'est chaud, hein. Et Lisbonne-Foy, quand on est jeune, c'est pas non plus très gai, vous voyez, dans le leurre du seuil. Bon, j'étais un très bon écrivain, mais c'est. Voilà. Et du coup j'ai eu une chance énorme, c'est que j'ai fait du montage. C'est-à-dire que je suis tombé sur un exemple de grammaire générative. Vous savez, les grammaires un peu répétitives, vous avez... Un jour, je vois ça, il y avait marqué « Pierre est malade, Pierre est fatigué, Pierre a mal à la tête ». Ah, j'ai dit « c'est ça que je veux ». Mais vraiment, hein, je me suis mis à pleurer comme une madeleine et j'ai dit « je veux ça ». Mais le truc, c'est que je me suis dit « je ne peux pas le recopier à la main pour ne pas avoir son écriture manuelle ». Donc là, on ne passe pas du côté du son, mais déjà de la technique. J'ai pris un cutter, mais je n'étais pas un lecteur de William Burroughs, je n'étais pas un branché. Donc, je n'ai pas fait ça comme un geste arty, chic. Faire du coup, maintenant, cut-up, c'est devenu aussi une méthode générale, c'est dans les écoles des beaux, enfin tout le monde fait ça, quoi. Il y avait quand même Godard à l'époque, qui nous indiquait beaucoup de choses. Mais je l'ai fait de manière assez naïve. J'ai dit, oh, j'aime ça, je veux le garder. Donc, je l'ai découpé et je l'ai monté patiemment et j'ai passé, je sais pas, 3 ou 4 ans à découper des exemples de grammaire. C'est drôle de vie, hein. C'était génial. J'avais des tables roulantes, des problèmes de poussière, j'avais des trucs... J'habitais avec un compositeur qui était à côté. Il avait des espèces de trucs pour enlever les trucs de gomme sur les partitions. Donc j'avais des problèmes de stockage. Le sortait à ce moment-là, je tiens à le dire, le scotch magique qui se décrochait tout seul, vous voyez, repositionnable. Parce que le monteur, il a besoin de repositionner. On a eu les voilà. Donc j'avais ça. Voilà. Et donc j'ai travaillé énormément avec ça. Et puis j'ai assez vite arrêté parce que ça s'est bien passé. La sortie de ce livre. J'ai fait après avec ça, j'ai travaillé dans avec la musique, j'ai fait plein d'objets avec ça. Puis je me suis rendu compte que si je continuais, je devenais plasticien de mon propre travail. Donc la question, c'est la limite, le montage, s'il est, j'allais dire, organique, enfin, si dans un travail plasticien, ça c'est merveilleux, mais s'il devient une forme, enfin, encore que bon, toute l'histoire de l'art prouve le contraire, ce que je dis est con, parce qu'on pourrait dire, c'est comme quand on fait des séries et des projets qu'on avance. Mais moi, si j'avais répété, ce serait devenu un truc. Et après, je me suis dit, je vais être obligé maintenant, après avoir trouvé ce que j'aimais, de l'écrire à la main, en manuel, au lieu d'écrire en automatique. Et au lieu de découper, ben, j'ai passé des années à reproduire, au fond, à rechercher ces formules. Alors après, j'ai trouvé la même chose, j'ai appliqué le programme en traduisant. Après, j'ai eu la chance de traduire les psaumes, dans une grosse traduction de la Bible en 2000. Donc j'ai passé 6 ans à traduire les psaumes. Et donc, j'utilisais la même méthode de collage, au fond, mais sur un texte qui n'était évidemment pas le mien. Voilà. Mais le montage, vous l'entendez aussi, alors au sens sonore, mais par exemple, moi, un montage sonore, je serais tabou pour moi de le faire. C'est-à-dire, j'ai toujours acheté plein de magnétophones, j'ai toujours énormément fétichisé les instruments, j'ai acheté beaucoup de matos plastiques, j'ai jamais pu faire plus de 5 minutes avec. Parce que si, mettre un son avec un autre, je me suis dit, ah non, je ne peux pas faire ça. J'ai envie de le faire, mais il faut que je le raconte. Donc je suis obligé après de raconter l'histoire de quelqu'un qui est un monteur sur scène. Donc au fond, ce que vous dites, c'est l'histoire d'un monteur. C'est l'histoire, bah, c'est le film de Coppola, vous vous souvenez, la conversation secrète. Quelqu'un qui est dans son basement, et qui, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, et qui est un espèce d'espion étrange, paranoïaque, et qui finalement est un monteur, mais un monteur pulsionnel. Tu parles... Ah oui, il y a une question. Bah, c'est à peu près la même chose, la manière dont tu écris aujourd'hui, mais du coup tu as répondu, donc... Oui, parce que ce que j'ai aimé, c'est trouver des ce que disait Foucault, c'est très beau, il parlait des énoncés, la question. Ça m'a beaucoup frappé à une époque, ça. C'est, au fond, le choc que j'ai eu devant des énoncés très, très, très simples, très minimalistes de la grammaire française, quoi. Je pense que ça m'a marqué profondément et que j'essaie de reproduire ce désir de formulation. Et c'est vrai qu'après, je monte. Je monte, mais je monte pas comme ça, all over, quoi. Je monte... je monte, je prends l'échelle, je passe par l'escalier de service, vous voyez, je passe derrière, je dis « Ah, oh, dis donc, t'es malin ». C'est-à-dire que je suis obligé de trouver des ruses pour... Mais je ne peux pas être placé. J'ai peur de toute dimension, par exemple, plastique de la littérature, toute dimension musicale. Au fond, j'aimerais sauver toujours, enfin, je ne sais pas d'où ça me vient, donner une autonomie à la littérature. Et bien sûr qu'elle se serve infiniment, c'est ce qu'on est en train de faire comme conversation, finalement, d'être hyper d'accord. Enfin, je suis hyper content qu'on se retrouve, parce que on ne vient pas nécessairement du même endroit et on arrive à aimer quelque chose en commun, si vous voulez. Mais moi, j'ai envie toujours de dire non, non, non, non, non, non. La littérature, c'est un objet particulier. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai raison. Je ne sais pas pourquoi je tiens à ça. Je tiens au livre. Mais je ne tiens pas au livre nécessairement comme objet. Enfin, si, bien sûr que si. Je tiens au livre, je fais exprès. Enfin, la preuve, mais je tiens au livre, cette boîte blanche, quoi. Boîte noire, blanche. Non, mais ça veut dire que... Bah, tu ne tiens pas au livre en tant qu'objet, ce que je peux entendre, ça veut dire que tu serais prêt à lire ou à écrire un objet sur lequel le lecteur pourrait même avoir une action sur la manière ou le sens où il va le lire. Non, pas question. Ah, non, pas question. Si, j'ai fait, à un moment donné, on a voulu, je vous en avais parlé, j'ai fait un prototype avec un ami avec qui je travaille beaucoup, j'ai un ami qui s'appelle Cédric Scandella, avec qui j'ai mis en page, je m'intéresse beaucoup au graphisme, parce que, à la typo, quoi, à l'imprimerie. Et on a, à un moment donné, on s'était dit, on va faire un prototype de nouvelle liseuse. Enfin, j'aime bien la liseuse. Et donc, bonjour, tu es liseuse. Et de faire un texte, par exemple, le texte du livre, là. On prend le texte du livre, tac, on ouvre. Parce que c'est vrai que c'est beau aujourd'hui, avec la typo, on peut avoir des belles choses comme ça. Et de pouvoir simplement, ben, si vous faites, vous écartez, on a un texte en plus, un texte agrandi, quoi, avec... comme s'il y avait les variantes, enfin, ou les, hein. Et puis vous faites comme ça, et vous avez les prémices du texte, le poème qui est avant le roman, ça. Puis après, vous appuyez sur un bouton, sur un truc qui est en italique, enfin, l'italique servant à ce moment-là d'appel. Et si on a envie, on fait toc, et là, quelqu'un dit, en fait, c'était pas ça que je voulais vous raconter. Et une voix derrière qui dit, non, non, non, non, non, non, vous êtes trompé, c'est pas ça. Puis après, on arrête ce truc parce que ça m'est fatigant, puis on continue à lire. Ce serait pas mal d'avoir une personne qui vous parle dans l'oreille. Ah, on arrive au son, hein. J'avais même une idée, mais ça, je ne l'ai pas fait, parce qu'il ne faut pas non plus faire les trucs qu'on a pensé. Puis je voulais faire aussi à la Villa Arson, il m'avait proposé de me donner la salle d'expo, parce que j'avais eu un projet délirant, un peu issu d'une conversation au vin blanc, que j'ai regretté après, c'était de dire, on va faire un roman, on va demander aux spectateurs de rentrer dans les couloirs, on va redessiner un espace qui serait un espace romanesque, sonore. C'est-à-dire, on s'avance, c'est compliqué à faire, hein. On s'avance, et puis il y a la voix off qui fait, alors, voilà, et puis on dit... à ce moment-là, on a un petit couloir et on rentre dans une toute petite salle. Et là, il y a une toute petite dramatique radio. Alors, à dîner. Ouais, ta gueule, ta merde, tout ça, connard. Et on sort, c'est alors que pendant ce temps, il décida d'aller boire du vin blanc, toujours. Et en fait, je sais pas, avec des systèmes de faisceaux, quoi. Dès que vous passez, vous déclenchez la phrase. Et après, vous pouvez choisir. Bon, c'était amusant, mais c'était... Mais vous voyez, au fond, toujours l'idée, tiens, bah, on va faire ça. Puis après, vous dites, bah, je vais faire un livre avec ça. Donc, font un livre normal qui est quelqu'un qui se déplace avec des petites scènes. Hein. Ça s'appelle un roman. Donc, tu es obligé de réinventer le fil à couper le beurre tous les jours. Tu n'as pas été tenté par faire un livre dans le livre dont vous êtes le héros, tu sais, ou en fonction de ton. Ah non, non, ça, je suis contre ça complètement. Ah non, moi, je suis contre tout ce qui est ludique, tout ce qui est participatif, tout ce qui est. Non, parce que je ne crois pas à ça. Je crois que les lecteurs, ils n'ont pas envie de ça. Enfin, moi, comme lecteur, je ne sais pas si vous avez envie. On n'a pas le temps. Déjà, on n'a pas le temps de lire. Si en plus, il faut jouer. Non, mais vous n'êtes pas d'accord, non? Enfin, ça peut être, attends, il peut y avoir des projets sublimes faits avec ça, c'est idiot ce que je dis. Je veux dire, non, mais si c'est systématique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas, moi, quand on m'invite maintenant à Beaubourg, ils ne disent pas, on va faire une lecture. Ils s'en foutent des lectures. Ils veulent que tu viennes et puis que tu montres que tu travailles. Et que tu dialogues. C'est-à-dire, maintenant, il y a une obsession. Enfin, je ne fais pas Finkielkraut, hein. Parce que ça a l'air d'être, tu sais, il vient aujourd'hui. Non, c'est super. Mais c'est simplement que c'est super si une personne fait ça. Si quelqu'un a une idée merveilleuse avec ça, mais simplement, ce qui est normal, la réception des œuvres change, et du coup, ça produit, et je me sens quelquefois en décalage, enfin, voilà. Monsieur Martin Borret, vous voulez poser une question ? C'est-à-dire, quand vous défendez le livre en tant que système, en fait. C'est ça, système. Son dispositif propre lui suffit. C'est ça. C'est ça. Tout, et du coup, à chaque fois qu'il y a finalement une expérience tentante à l'extérieur, c'est, ce qui est super, c'est de dire, bah, tiens, on va essayer de la mettre dans le livre aussi. C'est-à-dire faire augmenter le livre, au fond, en fonction de ce qui se passe. C'est vrai que l'expérience là, qu'on écoute là, de son, bah, ça me donne un autre... Là, ça m'interdit, par exemple, là, je me dis, ça m'interdit actuellement de faire un roman. Parce que je me dis, là, ils ont été plus loin que moi, dans l'espace fictionnel. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, moi ? C'est dégueulasse, ils m'ont pris mon truc. Et comment je vais faire, quoi ? C'est pour ça qu'après, j'ai fait deux petits objets dont on peut parler après pour faire la promotion, qui s'appellent Histoire et littérature récente. Oui. Un et deux. Habile, non ? Vous n'avez pas trouvé ça C'est pas là où vous devez lire un extrait ? Si, bah, ça va venir. Mais, j'ai... Ça va, vous avez encore le temps ? Ça vient. Enfin, c'est quand vous voulez. Hein. Nous, on attend le vin blanc. Hein. 21h30. Non, non. C'est loin. Non, non, là, ils vont. Non, vous avez encore. Ça va, vous avez 5 minutes encore ? Bon. Parce que. Alors, tu. On peut. Non, ça autant. Non, parce qu'il faut pas qu'on soit trop long non plus. Il est déjà 9h30. On prend 5 minutes. 5 minutes encore. Tu vois, c'est pas vous, c'est moi qui fais le temps maintenant. Voilà. Alors, d'accord, donc il reste un peu de temps pour une petite lecture, une petite écoute et une petite question. Alors, je vais commencer par la petite question. Tu parlais tout à l'heure de ces acteurs au théâtre qui parlent trop fort, donc une sorte d'hypertrophie sonore des sons en trop. Tu parlais des sons que toi, tu n'arrives pas à faire, donc des sons en moins. Et dans le tome 2, donc de l'histoire de la littérature récente, tu donnes une information comme quoi la moitié des sons ont disparu. Oui. Alors, d'où tires-tu cette information ? Alors, je ne sais pas. D'accord. Je l'ai trouvé. Et comme il y a eu 30% des oiseaux disparus en 15 ans, ça, on l'a tous vu. Mais il y a 2-3 ans, j'avais vu cette statistique, je crois que c'est dans un entrefilet du Monde, c'était de dire, en 30 ans ou 20 ans, il y a 50% des sons ont disparu. Des sons naturels. Je sais. Là, pour le coup, mes sources sont un peu flottantes. Je vous avoue. Exactement, c'est idiot, parce que je ne sais pas. Si, si, mais... Et il faudrait que je retrouve le truc. C'est beau, hein ? 50% des sons ont disparu. Alors qu'on croit le contraire, on aurait tendance à dire, on est dans un truc de plus en plus... On a au contraire des sons en plus tout le temps, et en fait, non. Alors, est-ce que c'est les sons, je ne sais pas, des tracteurs Ferguson de 1962 ? Peut-être que c'est... Parce que quand vous dites ça à la campagne, que j'ai dit, je sais pas, vous arrivez, j'habite aussi un peu dans le sud-ouest, vous dites, ah, oh, là, 30% d'oiseaux, il y en a beaucoup. Et puis, ils vous disent, ce qui a disparu, c'est la huppette faciée à tête blanche, mais il y a des merles, je déconne pas, quoi. Ah oui, c'est vrai, alors là... Pardon, allez-y. Non, c'est des populations qui disparaissent surtout. C'est des populations. Oui. Il y en a moins, en fait, mais donc là où ils sont... Même s'il y a des espèces qui disparaissent aussi. Mais c'est surtout en nombre, en fait. C'est ça. Et les sons, peut-être. Et les sons, c'est ça. Si des espèces disparaissent, il y a des sons qui disparaissent. Il y a des espèces de sons qui disparaissent. Vitrier ! Non, mais c'est ça, oui, c'est exactement ça. Proust, les cris de Paris, non ? J'ai remarqué qu'en fait, on n'entend plus les ouvriers dans les rues siffler, en fait. C'est aussi l'affaire Weinstein. C'est ça, dans un film ou un documentaire des années 60. Mais c'est vrai ? Alors moi, ça me fait penser à un des plus grands auteurs documentaire de création qui s'appelle Yann Parent-Owen et qui a fait, parmi tant d'autres, un documentaire qui s'appelle Retour à l'Esconil, dont on a parlé dans Saint-Aune, et où il enregistrait les bateaux à l'Esconil, en Bretagne, donc. Certains bateaux de pêcheurs qui passaient, qui repassaient, etc. Et c'est avec le développement de la pêche, etc., ces bateaux ont disparu. Ces barques de pêcheurs-là, ces bruits de moteurs ont disparu. Et ça fait partie, effectivement, de ces sons que l'on n'entend plus au bord de la mer. Voilà. Ça te laisse pensif. D'accord. Ah oui. Voilà. On pourrait... Une écoute. Une écoute, ben, la 4. La dernière, parce que... La 4. Et la 4. Lis, la, p- peut en lire un tout petit bout, le petit truc final. Là, le 54. Tu l'as, tu l'as, pardonne-moi, parce que tu avais pris le livre. Avec la résine. Fais gaffe, ça s'attache. Et la conversation replongea dans une mare où l'on n'entendait plus que des petits bruits, les petits cris des êtres perdus dans leurs paroles. Chacun entonne tour à tour la litanie des louanges à soi. Récompense de l'année, considération politique, bilan médical avec description détaillée. Chacun se place sur le grand tableau des rivalités familiales qui fait penser à celui des coupoles des bourses. Et c'est parti. Courbe des vies sociales des différentes branches, crache des êtres. Mon fils est un génie, comme son père. Descente aux enfers du cadet sous médicaments. Honneur perdu de X. C'est tout le portrait de sa mère. Et en finale, le récit de la brusque accélération de la notoriété d'Y. Avec des cris pour embrayer sa phrase et des coups de force minuscules pour garder la parole. Dès que quelqu'un essaie de placer un mot, le couper au plus vite par une série de « Ah, ça m'est arrivé aussi, hein, à moi, oui, à moi. Ah, ça m'est arrivé, à moi. Ah, bah, ça m'est arrivé à moi aussi, à moi. Ça m'est arrivé aussi, à moi, à moi. Ah, ça m'est... Ah, ça m'est arrivé... Ça m'est arrivé à moi aussi, ça m'est arrivé... Ça m'est arrivé à moi aussi. » On dirait des grognements d'ours ou les jappements d'un chien en manque selon les tessitures. Hurlement de l'un, barrissement de l'autre, un opéra avec des animaux, des joues déformées, des teints blafards, des yeux chassieux, drôles de mammifères. Si on augmentait le son de tout ça, on obtiendrait un fracas immense. Il m'avait vite oublié. Mais moi, comment faire pour les oublier à mon tour ? Ouais, ça m'intéressait parce que le son, la voix, les paroles peuvent être aussi des vecteurs de cauchemars et peuvent refléter une sorte de terrorisme social où on est dans des dîners, par exemple, et tous ces gens qui racontent des choses. Et voilà. Donc c'est pour ça que je voulais le diffuser. Alors, soit 244, soit 31. Allez, une dernière question. Olivier, tu te sens une dernière question ? Une dernière question posée par le... Bien sûr, pardonnez-moi, oui. En fait, j'ai vu la première fois Laurent Poitrenaud sur scène, sur un texte de vous. Et donc, je n'ai pas la connaissance de ce qu'il faisait avant. Est-ce que c'est... Enfin, comment vous vous êtes rencontrés ? Et est-ce que quand on voit... C'est sa voix à lui ou est-ce que c'est une voix que vous avez réalisée ensemble avec le temps ? C'est sa voix à lui, bien sûr. Et vous voyez comme il le fait de manière étonnante. Mais simplement, au début, il a été assez influencé par ma manière de lire. Parce que tout au début, j'étais un peu, il était très jeune. Ouais. Et puis, il a trouvé complètement son autonomie. Hein. Mais du coup, il a une lecture de mon travail encore plus grande que la mienne. C'est comme si c'était un interprète. Au sens, c'est comme un... J'ai fait des lectures avec lui, par exemple, au Pays de Touques, à deux voix. Et je lui donnais le texte exprès la veille, vous voyez. Je poussais le bouchon, quoi. Et puis j'improvise au milieu pour le faire chier, etc. Et puis dès qu'une fois, il lisait pas bien un truc, je regardais, j'avais fait une erreur de virgule. Il est tellement bon, il comprend tellement. Si vous voulez, c'est génial de travailler avec 25 ans, quelqu'un comme ça. Il me connaît de l'intérieur, mais après, il a pris complètement son autonomie. Après, il a volé des trucs de moi qu'il donne aux autres. C'est dégoûtant. Comme ça, bon, il le paiera, mais c'est la vie, hein. C'est ça qui est dur. Bon, ouais, on peut lire simplement ça pour finir. C'est rien, hein. Ça s'appelle Anne Clorinde, c'est le nom de ma grand-mère. Bon. Anne Clorinde, elles sont des disparues, c'est des petits trucs. Ça va peut-être raconter le contraire de tout ce qu'on a dit. Hein. Un cinéaste a bien raison d'expliquer que l'on pourrait faire une histoire avec les sons, les paroles restituées de bouche en bouche. Ça ne veut pas dire qu'il faut réécouter les voix du passé. Jetons les cassettes, tous les supports audio, le déjeuner pirate familial enregistré avec le Philips Gris et le micro jouait, jetez tout. Les cris doivent rester scellés. Le principal est qu'ils ont été enregistrés. Ils sont gravés. Ça ne veut pas dire qu'il faut les écouter. Bravo. Merci, hein.